Si un jour il m'arrivait de te parler de l'abandon, de tous ces souvenirs usés et tant de mauvaises raisons, je ne culpabiliserais pas de grandir d'une autre façon, sans féerie de carton pâte, sans anecdotes de vieux chiffons, ces extra rires dans toutes ces vues qui me font rester dans la lune. Pour ça j'ai toujours été là, ne me demande pas pourquoi. Est-ce qu'à mon tour on me pardonnerait de ne pas être un bon garçon, avec personne pour m'engueuler, avec toutes mes questions, comme toi que j'ai peut-être mal aimé, ou alors de cette autre façon qui laisse les gens s'y effacer, partant de si bonnes attentions. Ces extra rires dans toutes ces dunes qui me tiennent là-haut dans la lune. Pour ça j'ai toujours été là, ne me demande pas pourquoi. Mais plus ça va, plus ça remplit, même quand il n'y a plus rien à dire. En tout cas il faut que je compte sur moi, je ne te dirai pas pourquoi. Toi et moi on ne se connaît plus, comme une légère petite impression d'avoir légèrement tout perdu dans un flot de contrefaçons. Mais la vie est bien trop courte pour avoir la main légère, avec ou sans trop d'amour, je ne vous détesterai guère. Il paraîtrait qu'au petit jour, ma ville serait pleine de nuances. À cette heure-ci, elle est trop floue et ne manque pas de non-sens. Ces extra rires dans toutes ces dunes qui me tiennent là-haut dans la lune. Pour ça, j'ai toujours été là, ne me demande pas pourquoi. Et plus ça va, plus ça empire, même quand il n'y a plus rien à dire. En tout cas, il faut que je compte sur moi, je ne te dirai pas pourquoi. Maintenant, il faut que je me rendorme en croyant rester dans les normes. Mais cela ne me regarde pas, allez savoir pourquoi. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ne me demande pas pourquoi.